إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 4 dans la lecture des fatwa de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah au sujet des questions de manhaj et comment on doit agir envers les gens d'Ahlul Sunnah, comment on doit agir envers les gens d'Ahlul Bid'ah, Ahlul Batil. On va lire ça ensemble. On continue la série de questions. On était arrivé hier à la question 10, on s'est arrêté à la question numéro 10, donc on continue avec la question numéro 11. السؤال الحادي عشر شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان كالإخوان والتبليغ وغيرهما. Donc la question ici qui est posée au cheikh, c'est la suivante, c'est-à-dire noble cheikh, qu'Allah vous fasse du bien et qu'il vous bénisse. La question est la suivante: quand est-ce qu'une personne est affiliée à un groupe en particulier? Comme par exemple les frères musulmans, al-Ikhwan, ou Jama'at al-Tablir, ou un autre groupe parmi ces groupes-là. Quand est-ce qu'on dit d'une personne qu'il est dans ces groupes, qu'il fait partie d'un de ces groupes de bid'ah? Donc le cheikh, il commence par Khutbat al-Hajja, donc après avoir lu Khutbat al-Hajja, il dit Amma ba'd, thumma amma ba'd, il dit فاعلموا يا بني أو نعم فاعلموا يا بني أنتم ومن تصل إليه هذه الرسالة الصوتية التي نبثها من خلال بعض أبنائنا من دول المغرب العربي حرس الله المغرب العربي وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه وجمع حكامها ومحكوميها على الحق والهدى والإسلام والسنة آمين. Donc le cheikh il commence en disant: sache ô mon fils, et vous également, tous ceux à qui cette parole, ce message audio, toute personne à qui ce message audio peut atteindre par l'intermédiaire des frères parmi mes fils qui sont dans le Maghreb arabe, que Allah préserve et protège le Maghreb arabe et tous les autres pays de l'islam de tout mal, de tous les maux, et qu'il les préserve tous et qu'il unisse et qu'il rassemble ses dirigeants le peuple et la population de ces différents pays musulmans sur la vérité, sur la guidance, sur l'islam et sur la sunna. Amin. Cheikh il dit, Aqoul, الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي الذي يكشر فيه أهل البدع عن العداوة السافرة لأهل السنة والجماعة، وليس هذا وليد الساعة كما يقولون، بل لكل قوم وارث، فما خلا زمان ولا مكان من قوم يناصبون أهل السنة العداء ويملؤون صدورهم عليهم كمدا وبغضاء، وإن كان ذلك يختلف قوة وضعفا وكثرة وقلة. Donc le cheikh il explique que il dit, le cheikh dit jeudi que le terrain actuellement ou le terrain aujourd'hui, il y a yani sur ce terrain, le terrain de la da'wa, le terrain de l'islam, yani un déchaînement, des affrontements très forts dans lequel on voit les gens de bid'a montrer leurs dents et dévoiler leur yani leur haine et leur animosité contre les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ceci n'est pas nouveau, comme on dit, ceci n'est pas nouveau, yani à toute époque, il y a un peuple qui agit de cette façon-là, il y a des gens qui agissent de cette façon. Et donc, il n'y a pas une époque ou un endroit dans lequel yani, il n'y a pas quelqu'un ou des gens ou des groupes de gens, yani, des peuples qui ont une haine contre Ahlus Sunnah et qui ont le cœur ou la poitrine remplie de colère et de haine contre les gens d'Ahlus Sunnah. Mais cela peut être différent yani, d'une époque à l'autre, soit que tu peux le retrouver parfois plus, cette haine elle est plus grande que d'autres, et parfois elle est moins grande, et parfois elle est plus forte, et parfois elle est moins forte, tout dépendant du lieu et tout dépendant de l'époque. Le cheikh il dit: فإذا قويت شوكة أهل السنة ورجحت كفتهم وكان السلطان لهم ولأئمتهم ضعف المبتدعة وانشمروا وربما اختفوا أو أخفوا أنفسهم خشية من سلطان السنة الذي من عرض له ووقف في وجهه معاديا فضحه الله سبحانه وتعالى، وسواء كان بوقوفه في وجه السنة سافرا كاشرا ظاهرا أو متسترا ملبسا، هذا الذي عرفه الناس في عصرنا وقبلنا. فالعاقبة الحميدة لأهل السنة، وما أظنه يخفى على طالب علم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى. الشيخ الذكر: lorsque les gens de la sunna, c'est eux qui ont la force, et que la balance penche de leur côté, et que la force et le pouvoir est à eux et à leurs dirigeants et à leurs imams, et que donc dans ce cas-là, les gens de bid'a sont faibles. Les gens de bid'a dans ce cas-là sont faibles, et parfois même, ils vont même se cacher. Ils vont cacher leur bid'a, ou bien eux-mêmes ils vont se cacher par crainte de la puissance et du pouvoir de la sunna. Et yani, celui qui essaie de se tenir en face de la sunna et des gens de la sunna avec son animosité et sa haine, eh bien il est démasqué par Allah subhanahu wa ta'ala et humilié par Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que yani, ce soit qu'ils se tiennent devant la face de la sunna yani, ouvertement et en apparence de façon claire, ou bien qu'ils le fassent de façon cachée et avec des ruses et des choses de ce genre. Donc ce que les gens, ça c'est ce que les gens ont connu à notre époque et avant nous, que la fin glorieuse appartient tout le temps aux gens de Ahlus Sunnah, les gens de la sunna. Et je crois que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'échappe pas à l'étudiant de science, celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui signifie qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Ceux qui s'opposent à eux et qui les abandonnent, hein, ne leur feront aucun tort, ne pourront les nuire en quoi que ce soit, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit ensuite, فَإِذَا ظَهَرَتْ هَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِذَا نَظَرْتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ الْوَعْدِ الصَّادِقِ مِنَ الصَّادِقِ الْمَسْدُوقِ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا بوحي الله إليه كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ازددت ثقة أيها السني من المسلمين والمسلمات بنصر الله لأهل السنة وأن العاقبة الحميدة لهم. Donc le cheikh explique que si on regarde donc ce hadith et ce qui vient dans le même sens que ce hadith-là parmi les belles annonces que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait, eh bien on voit que ce hadith comprend une promesse de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit la vérité et qui est reconnu et cru par les croyants, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne parle que selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation qu'Allah lui a faite, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Sourate An-Najm. Il ne parle pas selon la passion ou sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc quand tu regardes ce genre de hadith, eh bien ta confiance augmente sur le fait que au toi qui es sur la sunna, au toi le sunni parmi les musulmans et les musulmanes, tu deviens encore plus confiant de la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de la sunna et que la fin glorieuse sera pour eux. ويزيد هذا تأكيدا ووضوحا قوله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Donc le cheikh il explique que également on retrouve dans le verset qu'il a mentionné le cheikh encore plus de confirmation de ceci et également encore plus de clarté à ce sujet-là également. Et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nous avons écrit dans Az-Zabour, dans le livre qui a été donné à Daoud alayhi salam. C'est le verset 105 dans Surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Mes serviteurs vertueux, mes serviteurs qui sont pieux, qui sont bons, c'est eux qui vont hériter de la terre. Donc la conclusion, la bonne conclusion appartient toujours aux croyants. Et le cheikh il dit, qui sont les salihoun, qui sont les hommes pieux, qui sont les hommes vertueux? Cheikh il dit, هم من جردوا في عباداتهم الإخلاص لله وحده وجردوا كذلك عباداتهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فليس يحيد فلم يحيد عن ذلك ذات اليمين وذات الشمال ولو قيد أنملة كما أنك إذا نظرت في مثلهما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وغيرهم من أهل البدع أنهم كلما قطع منهم قرن خرج آخر حتى يخرج في عرادهم الدجال ازددت يقينا أيها المنصف الناصح لنفسك الحازم في أمرك أن الحرب الضروس بين أهل السنة والمبتدعة لن تنتهي إلا عندما حده رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيدك من ناحية الحذر وإعداد العدة نشاطا في نشر السنة والتفقه فيها وطلب أهلها الذين عرفوا الناس منهم السابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين، فبهم تأنس الغربة وبهم تقوى العزيمة وبهم يشتد الأزر وهم خير عدة وهم خير عدة وخير معتمد عليه بعد الله عز وجل. Donc le cheikh il dit qui sont les gens pieux, qui sont les gens vertueux, as-salihun. Ce sont ceux qui ont rendu leur adoration pure pour Allah seul et exclusive pour Allah seul, hein, qui n'ont pas commis de shirk et qui ont également yani, rendu leur adoration exclusivement basée sur le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils n'ont pas commis d'innovation et de bid'ah, et qu'ils ne sont pas tournés ni vers la gauche ni vers la droite, hein, même pas de la distance d'un bout de doigt. Ils sont restés sur le droit chemin sans tourner ni à gauche ni à droite. Donc le cheikh il dit, et de même que si tu regardes dans ce que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme information à propos des khawarij et à propos de d'autres parmi les groupes des gens de bid'a, que chaque fois qu'une corne parmi les cornes des khawarij va sortir, eh bien elle sera coupée jusqu'à ce que le dernier d'entre eux sorte avec le dajjal, comme c'est mentionné dans le hadith authentique. Et donc, lorsque tu vois ce genre de hadith, eh bien, tu augmentes en certitude et en conviction. Ô toi, celui qui est juste et celui qui est sincère avec lui-même et qui est ferme et déterminé dans ses affaires, eh bien, tu vas comprendre que cette guerre féroce entre les gens de la sunna et les mubtadi'a, les gens de l'innovation, ne va pas terminer excepté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déterminé. C'est-à-dire, elle ne va pas terminer excepté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déterminé. Hein? C'est-à-dire vers la fin des temps. Et donc ça te fait comprendre une chose d'un point de vue que ça te met sur tes gardes. Tu restes sur tes gardes vis-à-vis des égarements et des gens de bid'a. Et en même temps aussi, ça t'aide à te préparer, hein, à te préparer en science, en armes et en autre chose, hein, pour te protéger dans ta religion. Et ça t'augmente également en effort et en activité pour propager la sunna et pour augmenter ta compréhension de la sunna, et dans le but également de rechercher qui sont les gens de la sunna pour rester avec eux, hein, ceux que les gens ont connus comme ayant un précédent dans le mérite et comme ayant une valeur claire, hein, et apparente, et comme étant les gens qui sont au-devant et qui guident les autres dans la religion. Et c'est en restant auprès d'eux que la personne qui est étrangère, hein, qui est étranger à cause du fait qu'il s'accroche à la sunna, eh bien, en restant avec eux, il ressent un peu plus de paix en lui-même et de tranquillité et de soulagement du fait qu'il n'est pas seul lorsqu'il est avec eux, puisque ce sont des gens qui s'accrochent à la sunna. Et il devient encore plus déterminé, et il se sent renforci, hein, parce que ce sont les meilleurs supports, les meilleures aides, hein, après Allah subhanahu wa ta'ala. Après le shaykh, il dit « Kama anna hadha yufiduka aydan » أنه حينما تظهر شوكة للمبتدعة وترجح لهم كفة لا يكون ذلك غريبا عليك، وهذا يزيدك قوة في الثقة بنصر الله عز وجل ونصر أهل السنة، وأن المبتدعة نهايتهم الدمار والهلاك بما يهيئه الله عز وجل من أسباب، ومنها ظهور سلطان وإن كان فاجرا يقمع الله به أهل البدع ويكسر به شوكتهم. فإذا تقرر هذا فإن النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث. Donc le cheikh il dit, de même que cela te donne, c'est-à-dire en regardant dans la signification de ce hadith qu'on a lu tout à l'heure, eh bien tu comprends également que lorsque les gens de bid'ah commencent à avoir la force, ou bien lorsqu'ils réussissent à avoir un poids plus lourd dans la balance sur le plan du pouvoir ou du nombre de la force, eh bien tu ne vas pas être étonné de ça. Ce n'est pas quelque chose qui va te sembler étrange. Au contraire, ça va t'augmenter en force et en confiance sur la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala et la victoire des gens de la sunna. Et sur le fait que les gens de l'innovation et de la bid'a vont terminer par la destruction et la perdition. Ce sera ça leur terminaison et leur conclusion. Parce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala va te préparer des causes pour pouvoir justement faire en sorte que cette situation penche du côté des gens de la sunna, que la victoire se tourne vers les gens de la sunna. Le cheikh il dit parmi ces causes le fait qu'il y ait un dirigeant qui apparaisse qui même si il est pécheur ou qu'il fait des péchés, qu'il est pervers, Allah subhanahu wa ta'ala quand même malgré ça fait que la bid'a et les gens de bid'a soient écrasés par lui et qu'ils soient brisés dans leur force et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je rajoute à ce que le cheikh il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique inna Allah la yansuru hadha ad-din bil rajul al-fajir, que même un homme pervers parfois Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la victoire à sa religion par lui. Donc parfois tu vois un dirigeant, peut-être qu'il est pécheur, peut-être qu'il est pervers, mais il connaît la sunna et il aime la sunna. Même s'il est faible dans sa religion, il est faible devant les passions, mais il connaît la vérité et il l'aime et il la défend. Il déteste la bid'a et les gens de bid'a. Donc, lorsque tu as compris ça maintenant, eh bien, on va regarder dans ta question, la question que tu as posée, c'est-à-dire quand est-ce que quelqu'un est calculé comme faisant partie des groupes comme les Ikhwan ou les Tablir ou autres. Donc on va regarder dans ta question et on peut répondre de deux points de vue ou trois. Al-jihatul ula, al-jihatul ula, أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة أنها ضالة مضلة دون استثناء. وأنا دائما أقرر في مجالسي هكذا الجماعات الدعوية الحديثة حتى تخرج السلفية لأنها ليست حديثة. وقد حدثني الأخ الشيخ الدكتور أبو معاذ عبد الله ابن زيد المسلم من أهالي عنيزة عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال في سيد قطب لولا الورع لقلنا بكفره. Donc le cheikh il dit sur le premier point de vue pour répondre à cette question, ces deux jama'at, ces deux groupes font partie des groupes de da'wah contemporains, parmi les nouveaux groupes qui sont apparus. Hein? Et il dit, nous prenons Allah comme témoin, ainsi que ceux d'entre les anges d'Allah qui sont présents. Et nous vous prenons comme témoin aussi. Et tous ceux également qui entendent notre message audio qui est enregistré, nous les prenons tous, nous vous prenons tous comme témoins que ces deux groupes sont des groupes d'égarement, hein, et que ces groupes de da'wah contemporains sont des groupes d'égarement sans exception, hein, comme les groupes de Jama'at Tablir ou des Ikhwan qui sont créés en 1927 ou en 1928, ou des groupes qui sont créés récemment ou des années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les différentes sectes, les différents groupes, qu'ils sont tous dans l'égarement, sans exception. Et le cheikh, il dit, et moi je confirme toujours, hein, ce principe-là dans mes assemblées, dans les assises, lorsque je suis avec des gens, et je dis toujours les groupes de da'wah contemporains ou nouveaux, al-haditha. Pourquoi ? Pour exclure la salafia de ces groupes-là. Parce que la salafia ne fait pas partie des groupes nouveaux ou contemporains. Comme le cheikh al-doctor, le frère, le cheikh al-doctor Abu Mu'az Abdullah ibn Zayd al-Musallam, parmi les habitants de Unayza, il a rapporté du cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah qu'il a dit, hein, à propos de Sayyid Qutb, que si ce n'était de la piété, hein, eh bien on aurait dit à son sujet qu'il est dans le coffre. On aurait dit qu'il est dans le coffre. Donc, c'est pour dire, al-wara, comme on a expliqué, c'est la piété. Mais c'est la piété, c'est-à-dire de faire preuve de plus de piété que qu'est-ce qu'on éprouverait d'habitude. Hein. Donc, c'est pour dire, si ce n'était pas de Al-Wara, eh bien, on aurait dit à son sujet, yani, sa mécréance. C'est-à-dire, Al-Wara, c'est de faire preuve de piété dans même qu'est-ce qui est permis. Hein, même dans qu'est-ce qui est permis. C'est-à-dire, tu évites de faire quelque chose qui est permis par crainte, peut-être, que ça pourrait t'amener à quelque chose de détestable. Hein. Quelque chose, ou bien quelque chose qui n'est pas nécessairement interdit, qui est moubah, qui est permis, mais qui pourrait, yani, avoir d'autres, des conséquences qui pourraient être moins bonnes. Éviter qu'est-ce qui est moins bon ou moins favorable. Donc, il dit, si ce n'était pas du war, j'aurais dit à son sujet qu'il est mécréant. Le cheikh, il dit ensuite, ana aqul, wa ana aqul, à cheikh Mohammed, ابن صالح العثيمين رحمه الله ما تكلم من فراغ فسيد قطب وسوف تعرفون الرابط بعد قليل سيد قطب في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وإن شئت فقل وقع فيما هو ناقد من نواقض الإيمان تطاول على أنبياء الله وعلى موسى تطاول على أنبياء الله على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى وحدة الأديان وعطل الصفات وقال بوحدة الوجود وقال بالجبر يعرف هذا من خبر كتابه ومن خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن وهو في الحقيقة ليس في ظلال القرآن أقولها ولا أجد غضاضة هو في ظلال الشيطان القرآن منه بريء فخذوا عني ولا تتورعوا في التحديث بها وإن قال قائل ما دخل سيد قطب بهذا السؤال الشيخ سيبينه. Donc le cheikh il dit, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il ne parlait pas dans le vide lorsqu'il a dit cette parole à propos de Sayyid Qutb. Et vous allez savoir le lien après, dans quelques instants, vous allez savoir le lien par rapport à Sayyid Qutb, pourquoi je le mentionne maintenant. Il dit Sayyid Qutb, dans sa parole, il y a des choses qui dépassent la limite de ce qui est connu, il y a des choses qui dépassent la limite de ce dont l'interdiction est connue dans la religion par nécessité. C'est-à-dire, si tu veux, hein, il dit, si tu veux, alors tu peux dire qu'il est tombé, Sayyid Qutb est tombé dans des choses qui font partie des annulatifs de la foi dans l'islam. Il est tombé dans certaines choses, hein, qui font partie des annulatifs de la foi dans l'islam. Et il dit, tatawara ala anbiya illah, hein. Il s'est attaqué à la personne des prophètes d'Allah. Hein? Il a parlé contre Moussa. Il a parlé contre Adam. Il a eu des propos déplacés, dénigrants, dégradants et insultants envers les prophètes d'Allah, comme Moussa alayhi salam et Adam alayhi salam. Et il a appelé à l'unification des religions, à dire que toutes les religions doivent devenir une et doivent être unies, hein? Et il a nié les attributs d'Allah, il a nié les attributs d'Allah, et il a parlé ou il a appelé à Wahdatul Wujud dans son tafsir, hein? Il y a des paroles qui sont reliées à Wahdatul Wujud, la croyance des soufis, hein, qui disent que il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et que tout ce qui existe, c'est une seule existence, et que le créateur et la créature, c'est la même chose. Hein, c'est ça, Wahdatul Wujud. Il a aussi des paroles de Jabr. Al-Jabr, c'est ceux qui nient la volonté de l'être humain, de même que sa capacité, hein, et qui prétendent que l'être humain n'a aucune volonté, et n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit, que tout ce qu'il fait, c'est Allah qui le fait, et que toutes ses actions, c'est les actions d'Allah, hein, et que l'être humain est comme une plume qui est poussée par le vent, ou une feuille qui est soufflée par le vent, il n'a aucune volonté, aucun choix, aucune capacité. Donc ça, c'est une voie parmi les voies des Jabriya, hein. Et on peut retrouver ça, celui qui connaît son tafsir qui s'intitule Fidilal al-Qur'an, hein, qui signifie en français à l'ombre du Coran, hein, à l'ombre du Coran. Et celui qui connaît, qui est familier avec ce tafsir, il sait ça. Il connaît la réalité. Hein, ça, c'est la réalité de ce qui est dans son livre Fidilal al-Qur'an. C'est les choses qu'on vient de mentionner. C'est ça qu'il y a dedans. Et le cheikh, il dit, et moi, je ne l'appelle pas Dilal al-Qur'an. Je l'appelle Fidilal al-Shaytan. C'est-à-dire à l'ombre du Shaytan. Parce que ce livre-là, c'est pas à l'ombre du Qur'an, c'est à l'ombre du Shaytan. Et je le dis sans aucune hésitation, sans aucun problème. Parce que le Coran est innocent de ce livre. Hein? Le Coran est innocent de cette ombre dont il parle. Alors il dit, prenez-le de moi et n'hésitez pas par piété. Hein? Ne tombez pas dans cette hésitation par piété de mentionner ce genre de paroles, que c'est l'ombre du shaitan, ou fidilal shaitan. Hein? Ne laissez pas le war vous empêcher de le dire. La tatawarra'u fi al-tahdith biha. Le cheikh il dit ensuite, wa in qala qa'il ma dakhlu Sayyid Qutb bi hadha as-su'al, aqul Sayyid Qutb huwa imam al-Qutbiyyah wa al-Qutbiyyah hiya ahad janahi al-ikhwan al-muslimin allati qala fiha ra'is tanzimihim as-sirri Ali Ashmawi innahu ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un pose la question, quel est le yani, pourquoi on parle ici dans cette question de Sayyid Qutb, pourquoi on parle, hein, c'est quoi le rapport avec Sayyid Qutb dans cette question, le cheikh il dit, je dis Sayyid Qutb c'est l'imam, le chef, le responsable, celui qui est à la tête de la Qutbiyya. Et Al-Qutbiyya, c'est une des ailes, hein, une des ailes parmi les ailes des Ikhwan al-Muslimin. Hein, parce que les Ikhwan, ils ont plusieurs ailes, hein, ils ont plusieurs visages, hein, si on veut. Et ça, c'est une un de ces visages, un des visages des Ikhwan, c'est celui-là. Hein, parce que c'est ça que certains, parfois, ils ne comprennent pas. Quand on parle des Ikhwan, eux, ils voient, par exemple, un visage des Ikhwan qui est en Europe, hein, en France, en Suisse, dans certains pays européens, dans certains pays nord-américains, et ainsi de suite. Comme par exemple, le visage de Tariq Ramadan, qui veut se donner un visage intellectuel, hein, éduqué à l'occidental, qui parle français, hein, qui parle français, Hassan Ekuisen, hein, qui veut se donner un petit look intellectuel aussi, hein, et ainsi de suite, et qui en même temps va rentrer des paroles yani, des jeunes de rue pour essayer de les attirer et mélanger même ce langage-là et parler des sahabas même sans aucun respect, hein, quand il parle d'eux, il va utiliser un langage complètement dégradant pour parler des sahabas sans aucun respect, alors qu'il se prétend ou qu'il veut montrer une image qu'il est quelqu'un d'intellectuel. Eh bien, ça c'est un visage des Ikhwan. Mais il y a un autre visage aussi, il y a d'autres aussi. Il y a le visage des Ikhwan, hein, le visage des Ikhwan qui ont une longue barbe, hein, le qamis, hein, et qui portent yani, l'apparence de ceux qui s'attachent à la sunna. Ça c'est un autre visage de certains parmi les Ikhwan. Hein. Et donc ça c'est pour ça que parfois certains se laissent tromper. Ils disent, mais lui il a la barbe, il a le qamis, hein, peut-être même qu'il va porter le chimar, hein, comme les Saoudiens, hein, et comme les ulama saoudiens, il va porter le chimar, il a la barbe, il a le qamis, hein, et peut-être que son qamis il est même en haut de sa cheville, comme dans la sunna, et peut-être même que leur femme porte le djilbab et le niqab, hein, ou le sitar, comme on l'appelle parfois. Et donc, certains, ils regardent ça, ils disent, bon, ça c'est des salafis, hein, ça c'est des gens qui sont sur la sunna. Alors qu'en réalité, non. Ce sont des qutbiyya, des qutbiyyin, ce sont des sururi, ce sont des hizbi, camouflés sous l'apparence de la sunna et de l'attachement à la sunna. Donc, ne vous laissez pas tromper par un des visages, parmi les visages des Ikhwan. Il y a le visage de ces Qutb, hein, qui était rasé, veston, cravate, hein, qui était écrivain, un homme de lettres, éduqué, hein, qui était allé aux États-Unis, qui connaissait les pays occidentaux, hein, qui avait même été influencé par le socialisme, hein, et la laïcité, le socialisme et le communisme, ces idées-là, hein. Donc ça c'est des exemples. Puis par la suite qui est rentré dans le groupe des Ikhwan et qui par la suite, après avoir été enfermé et emprisonné, est devenu un révolutionnaire, un takfiri, hein, un djihadi, et ainsi de suite. Et tu vois ces gens-là, tu te référais à lui de cette façon. Hein, même qui se mélangeait avec les Rafida, avec les Shia, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces différentes tendances-là chez les Ikhwan. Il y a les tendances de Hassan al-Banna, et ainsi de suite. Donc, ne vous laissez pas tromper par les différents visages et les différentes faces et apparences des Ikhwan. Donc, c'est ce que le Cheikh, il explique ici. Donc, il dit, et je reviens donc à la parole, qu'est-ce que le Cheikh explique ici. Il dit donc que c'est une des ailes, parmi les ailes, des Ikhwan. Et le chef de l'organisation, secrète des Ikhwan, parce que à l'époque de Hassan al-Banna, il y avait le groupe des frères musulmans qui était le groupe officiel, apparent, hein, déclaré officiellement dans l'État et qui agissait au grand jour. Et il y avait la branche spéciale, c'est-à-dire la branche secrète des Ikhwan, qui, elle, agissait en clandestin, en sourdine, et qui faisait des actes, hein, sans se déclarer elle-même comme faisant partie des frères musulmans ouvertement. Ils agissaient en secret. Et le chef de ce groupe, hein, spécial des Ikhwan s'appelait Ali Ashmawi. Et il a écrit un livre, hein, dans lequel il a dévoilé l'histoire secrète des frères musulmans. Et dans ce livre, il explique, hein, beaucoup de choses qui ont été qui n'étaient pas connues ou qui étaient cachées de la réalité des Ikhwan, le fait qu'ils faisaient des assassinats, des attentats terroristes et toutes sortes de choses comme ça, et qu'ils planifiaient des renversements, hein, des coups d'État, et qu'ils ont planifié pour renverser le roi Farouk à l'époque, et ainsi de suite. Donc soyez pas surpris si ces gens-là ont été emprisonnés, hein, et qu'ils ont été exécutés à l'époque. Yani, c'était pour ces raisons-là, en grande partie. Hein? Donc, ils essaient, eux, de faire croire aux gens qu'ils se sont fait arrêter, enfermer, emprisonner, uniquement parce qu'ils défendaient l'islam, uniquement parce qu'ils disaient la ilaha illallah, et la réalité est tout autre. Ne vous laissez pas tromper par les Ikhwan. Ce sont des menteurs, la plupart d'entre eux. Hein? Et donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce chef de ce groupe spécial des frères musulmans, Ali Ashmawi, il a dit: il n'y a pas un groupe qui est sorti, excepté qu'il est sorti sous le couvert des frères musulmans. Il y a différents groupes qui apparaissent à l'époque, à notre époque, et ils sont, parfois, ils ne s'appellent pas nécessairement frères musulmans, mais derrière eux, il y a l'organisation des frères musulmans. Le cheikh, il dit: Fasayid Qutb هو ابن للإخوان المسلمين ابن بار وما أصيب مجتمعاتنا اليوم بحوادث يعني بحوادث مروعة من تفجيرات واغتيالات وتكثير بلا هوادة إلا كان جل حملة هذه الأفكار المنحرفة الفاسدة هم عالة على سيد قطب فهو حامل لواء التكفير في هذا العصر شاء القوم أم أبى شاء القوم أم أبوا ونحن ولله الحمد لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن بينة وبرهان فنحن نعلم أيضا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرا من الناس إن لم يبغض أكثر إن لم يغضب أكثر الناس ولكن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم بالدليل الساطع القاطع الذي إذا سمعه المنصف يقبله. Donc le cheikh il dit Sayyid Qutb c'est un des fils des frères musulmans, hein, et un fils obéissant des frères musulmans. Et ce qui est arrivé à nos, dans nos sociétés aujourd'hui, comme situation ou comme événement effrayant, et comme attentat, et comme explosion, hein, attentat à la bombe, et explosion, et ainsi de suite, et comme takfir, tout ça, yani ceux qui ont fait ces actions-là, il dit, la plupart sont ceux qui portaient les idées déviées et corrompues qui découlent des idées de Sayyid Qutb. Donc Sayyid Qutb, à notre époque, c'est lui qui porte l'étendard du takfir, hein, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou non. Et donc nous, par la grâce d'Allah, on parle contre lui et on parle à son sujet. Et lorsqu'on parle contre lui ou contre quelqu'un d'autre, on ne parle que avec preuve et avec évidence. Et nous savons que notre parole, elle peut ne pas satisfaire beaucoup de gens. Elle peut ne pas faire plaisir à beaucoup de gens. Et même peut-être mettre en colère la plupart des gens. Mais nous disons la vérité. Et nous ne craignons le blâme d'aucun blâmeur en Allah. C'est-à-dire que nous craignons en Allah le blâme de personne. Nous ne craignons pas le blâme de quelqu'un qui voudrait nous blâmer. Parce qu'on dit la vérité pour Allah. Et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a à ce sujet-là, au sujet des égarements de ces gens, la preuve tranchante. Et toute personne honnête et franche, si elle entend ces preuves, elle va l'accepter. Le Cheikh il dit, وَكَانَ كَمَا حَدَّثَنَا أَخُونَا أَبُو عُمَرَ الشَّيْخ عبد العزيز الخليفة من أهالي الرس مدرس في وزارة التربية أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ حدثوا كم عددكم قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا حدثوا بارك الله فيكم لا تخشوا لكن بالحكمة هذا نقرره ونكرره عليكم وعلى أمثالكم ممن سيستطلعون نصائحنا ويستطلعون ما عندنا هذا هو الوجه الأول. Donc le cheikh il dit, et notre frère Abu Omar nous a transmis, c'est-à-dire le cheikh Abdul Aziz Al-Khalifa, parmi les gens de la ville de Ras, qui est professeur au ministère de l'éducation, il nous a dit que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a déclaré les frères musulmans, le groupe de Jama'at al-Ikhwan et le groupe de Jama'at al-Tablir de Mubtadi'a. Il les a déclarés Mubtadi'a. Donc il dit, vous pouvez, combien êtes-vous? Il demande le nombre. Après il dit, vous pouvez transmettre de ma part que Ubayd al-Jabiri a dit que Abu Omar, le Cheikh Abdul Aziz al-Khalifa, nous a dit, et vous pouvez même mentionner qu'il y avait deux autres hommes témoins avec eux à ce moment-là, lorsque le Cheikh a dit à propos de Jama'at Tablir et Jama'at al-Ikhwan que ce sont des Mubtadi'ah. Donc vous pouvez transmettre ça de ma part, barakallahu fikum, et ne craignez pas, n'ayez pas peur de le dire, mais avec sagesse. C'est ce que nous confirmons et ce que nous répétons à vous et à d'autres comme vous, parmi ceux qui écoutent nos conseils et qui écoutent ce qu'on a à leur dire. Donc ça c'est le premier point de vue dans la réponse à votre question. Al-wajh al-thani. Donc c'est-à-dire qu'il y a le premier point c'était pour expliquer le lien qu'il y a entre les groupes actuels et yani Sayyid Qutb, qui est une des têtes parmi les têtes de l'égarement à notre époque. Le deuxième point, parce que si vous trouvez des gens qui défendent cet individu ou qui veulent le défendre ou l'aider, vous allez comprendre que c'est des gens qui s'attachent à des gens de l'égarement. Le point numéro 2, al-wajh al-thani, أن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة تنحسر في من يدافع عن أهل البدع ويصوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه أن بأنهم على ضلال. هذه خلاصته. فلا يستر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب، وإن أظهر التستر بالسنة لأنه يخشى سطوة أهل السنة، ولكنه هو صاحب هوى. الشيخ يقول le deuxième point et le deuxième plan c'est qu'il y a une règle générale pour les gens de أهل السنة، et ce qu'il rallie et qu'il calcule parmi les gens de Bid'a qu'ils rallient et qu'ils font rejoindre aux gens de Bid'a celui qui défend les gens de Bid'a et qui leur trouve des excuses et qui essaie de faire l'apologie de ces gens-là. Donc celui qui essaie de les excuser, de leur trouver des prétextes, de les défendre, eux aussi rentrent dans le nombre des gens de bid'a, même si eux-mêmes ne font pas cette bid'a. Et ça, c'est quelque chose que parfois certaines personnes ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un, il fait pas de bid'a, il est pas dans cette bid'a là lui-même, mais il aime les gens de bid'a et il défend les gens de bid'a et il cherche des prétextes et il cherche à les défendre alors qu'il sait que ce sont des gens qui sont dans l'égarement, tout en sachant que ce sont des gens dans l'égarement. Le cheikh il dit, ça c'est le résumé de la règle, que ces gens-là on les relie, on les rassemble avec les gens de bid'a. Le cheikh il dit, cette attitude-là ne peut être on ne peut pas retrouver ce genre de comportement ou ce genre d'attitude en général, excepté chez quelqu'un qui suit sa passion. Même si il essaie de montrer qu'il est sur la sunna pour cacher son appartenance et son attirance à la bid'a. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Ils essaient de se cacher derrière la sunna en mentionnant des savants d'Ahl Sunna, ou en essayant de montrer l'attachement à certaines paroles des salafs, ou à certains livres des ulama, des salafs, et ainsi de suite. Alors qu'au fond de lui-même, il est un hizbi, un muftadir, un qutbi, un surur, et ainsi de suite. Et il craint le fouet des gens de la sunna, et les critiques des gens de la sunna. Mais, même s'il se cache, la réalité c'est que c'est un individu qui est sur la passion et la bid'a. Ou bien, c'est possible, le cheikh dit, وَقَدْ يَكُونُ جَاهِلْ مِنَ الْجُهَالِ يُحِبُّ الْخَيْرِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ فُرْقَانِ فَيَظُنُّ أَنَّ سَيِّدْ قُطُبْ وَحَسَنَ الْبَنَّ وَالْمَوْدُودِ وَالنَّدَوِي وَفَتْحِ يَكَنْ ويوسف بن عبد الله القرضاوي المصري المقيم حاليا في قطر، نسأل الله أن يطهر قطر منه ومن كل زلول مبتدع زلول البدعة. قد يظنهم علماء، ولكن هذا إن كان صادقا جادا فيما يدعيه أن طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرأ منهم إذا بين له، وإن كان كاذبا فسيبقى على ما هو عليه نحوهم من الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتسويغها، وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة عين. الشيخ dit, et c'est possible que cette personne soit un ignorant parmi les ignorants, qui aime le bien, mais qui n'a pas de discernement. Et donc, il croit que des gens comme Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, al-Mawdoudi, al-Nadawi, Fathiyakan, c'est qui? C'est un des chefs, un des responsables des frères musulmans au Liban. Hein? Il écrivait des livres, même certains de ses livres ont été traduits en français, et ils étaient distribués par Ipso, hein, un groupe du Koweït qui traduisait et finançait l'impression des livres, hein, de Ikhwan, les livres de Al-Mawdoudi, les livres de Sayyid Qutb, les livres de Mohamed Qutb, les livres de Fath Yakan et de Qardawi. Et plein d'autres Hizbiyin, yani cette organisation au Koweït, hein, et aux Émirats aussi peut-être, yani parmi les Ikhwan, ils finançaient la traduction et l'impression de ces livres-là, ils les distribuaient partout dans le monde. Hein. Et moi je me souviens que lorsque je suis rentré dans l'islam, dans les années 80, au début des années 90, hein, c'était ces livres-là qu'on retrouvait partout. Hein? Ces livres-là, on les retrouvait partout, ils les donnaient gratuitement aux gens quand ils rentraient dans l'islam. Hein? Donc, Fath Yakan et Youssef ibn Abdullah al-Qardawi, l'Égyptien, Cheikh, il dit, c'est l'Égyptien qui est établi actuellement au Qatar, et on demande à Allah de purifier le Qatar de cet individu-là, hein? De ce Mubtadi', hein? qui est soumis à la bid'a et qui est. Hein? Qui propage la bid'a. Donc, c'est possible que ces gens-là pensent d'eux que ce sont des ulama. Ils pensent que ces gens-là sont des ulama, des savants. Hein? Mais le cheikh dit, mais si ces gens-là sont sincères, hein, et sérieux dans ce qu'ils prétendent de vouloir chercher la vérité, eh bien ils vont, yani, se laver les mains de ces gens-là. Ils vont se désavouer d'eux une fois qu'on leur a clarifié la vérité. Mais si ce sont des gens qui mentent, hein, et qui prétendent, eh bien, ils vont rester, yani, sur ce qu'ils font comme défense des gens de bid'ah, et d'excuses qu'ils font, et de justification des gens de bid'ah et de leurs erreurs, et ils vont même essayer de faire l'apologie de ces erreurs-là, comme on retrouve ça, yani, dans la bouche de tous les Hizbiyin et de tous les gens de l'égarement. Ils veulent toujours essayer de chercher des prétextes et des excuses pour les Mubtadi'a et pour les égarés. Hein? Donc ça, c'est ce que le cheikh, il explique. Donc ces gens-là, on les, hein, cette catégorie-là qui les défend, qui les supporte et qui cherche des prétextes pour eux et des excuses pour eux, ils rentrent et ils sont calculés eux aussi parmi les gens de bid'ah et parmi les Ikhwan et parmi ces groupes-là, parmi les tabliris et ainsi de suite, ceux qui les défendent. Parce que ce sont des sympathisants, hein, même s'ils ne font pas nécessairement partie du groupe, ou même s'ils ne sont pas nécessairement membres, c'est-à-dire ils n'ont pas leur carte de membre, hein, ils ne sont pas inscrits dans le groupe officiel, mais ils rentrent, on les calcule avec eux aussi. Hein, ça, tu vois Tariq Ramadan, par exemple, qui dit, non, moi je ne fais pas partie des frères musulmans, je ne suis pas membre des frères musulmans. Peut-être qu'il n'a pas de carte de membre, mais je douterais qu'il... Hein, qu'il ne soit pas des frères musulmans. De toute façon, même s'il n'a pas sa carte de membre, tout ce qu'il a comme principe et comme fondement et comme base dans ses enseignements et dans ses principes, c'est pour supporter et défendre les règles et les fondements et les principes de son grand-père Hassan al-Banna, hein, et de ceux qui le suivent. Et il ne s'est jamais désavoué de Hassan al-Banna, son grand-père. Il ne s'est jamais désavoué de lui. Et il ne s'est jamais désavoué de ses... d'individus. Au contraire, il les a défendus pendant longtemps. Et il continue de les défendre. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Le cheikh, il dit, وَوَجْهُمْ ثَالِثِ. Donc ces gens-là, on les calcule avec eux et on n'a aucun respect pour ce genre de personnes, dans le sens qu'on ne va pas avoir de pitié pour eux dans ce genre de comportement-là. وَوَجْهُمْ ثَالِثِ. كثير ممن يدعون السنة وهم ملبسة يقبلون لأهل السنة المجن أو عفوا يقلبون لأهل السنة المجن وكيف ذلك بأن تكون عمدتهم وشواهدهم فيما يقررونه كتب القوم وقد يكون نعم وقد نعم. وقد من بعد تحلة القسم أو القسم من باب تحلة القسم يذكرون شواهد لأهل السنة فهؤلاء القوم يخشى منهم لأنهم سلكوا مسلكا ليس عليه أهل السنة فأهل السنة إذا عرفوا كتاب بدعة تبرؤوا منه وحذروا منه وعلاجنا لهؤلاء نخبر حالهم فإن كانوا جهالا نصحناهم وإن كانوا يكتبون ما يكتبون عن علم ويعلمون أن هذه الكتب فيها ضلال فنحن نحذر منهم ونحذرهم ونحذرهم فنحن نحذر منهم ونحذرهم ونلحقهم بعمدتهم من أهل الانحراف والزيغ والضلال ولا كرامة عين لأنه لو كان صادقا في دعواه السنة لوجد في كتب السلف غنية عن ما ينشره للقوم. Donc on va traduire maintenant cette partie. Donc le cheikh, on va traduire la partie en question. Le cheikh, il dit un troisième point de vue dans la réponse, c'est qu'il y a plusieurs parmi ceux qui prétendent suivre la sunna et être sur la sunna, sont des gens qui sont mélangés ou qui sont rusent en fait. Des gens qui font des ruses et qui mélangent le vrai et le faux. Et ils tournent, ils deviennent les ennemis des gens de la sunna. Comment? C'est en prenant comme fondement et comme témoin dans ce qu'ils expliquent et dans ce qu'ils écrivent dans leurs livres, ils prennent des témoignages ou des fondements dans les livres des gens de bid'a. Et c'est possible qu'ils vont mentionner, par exemple, en même temps aussi, il y a des témoignages et des points aussi, des gens de la sunna en même temps aussi. Donc, le cheikh, il dit cela, on craint, à leur sujet, on craint ce genre de personnes-là. Parce qu'ils ont suivi une voie qui n'est pas la voie de Ahl Sunnah. Parce que les gens de la Sunnah, lorsqu'ils savent qu'un livre est un livre de bid'ah, ils s'en désavouent. Ils s'en désavouent et ils mettent en garde contre celui-ci. Donc le cheikh, il dit, notre remède pour ceux-là, c'est de les tester. C'est de les tester et de tester leur état. Savoir la réalité de ce sur quoi ils se tiennent. Donc, si on découvre que ce sont des gens ignorants, donc on leur donne la nasiha. Et si ce qu'ils écrivent, ils l'écrivent avec science, et qu'ils savent que dans ces livres-là, il y a de l'égarement, alors nous, dans ce cas-là, on avertit contre eux. Et on prend nos gardes vis-à-vis d'eux. Et on les considère parmi leur base parmi les gens de l'égarement. C'est-à-dire, on les relie à leur référence parmi les gens de la déviation et parmi les gens de l'égarement. Comme s'ils font partie d'eux. Et dans ce cas-là, on n'aura pas aucune pitié pour eux. Parce que si ces gens-là étaient sincères dans ce qu'ils prétendent de vouloir suivre la sunna et faire partie des gens de la sunna, eh bien, ils se seraient limités et auraient été satisfaits de ce qui se trouve dans les livres des salafs par rapport à ce qu'ils diffusent parmi les gens. Le cheikh, il dit, « Na'am, qad yakuna al-manshur li Sayyid Qutb ou ghayri. Qad yakuna al-manshur li Sayyid Qutb ou ghayrihi nazran يسيرا في أمور بسيطة وهؤلاء قد يكونوا من رجال فضلاء صلحاء نشيطين في السنة وفي نشرها وتعليمها والدعوة إليها والذب عنها وعن أهلها ولكن يرون أن هناك عبارات هي ضربة للقطبيين وهي في مصلحة أهل السنة، فهؤلاء أراهم إخواني ولهم مالي وعليهم ما علي، وأواليهم في ذات الله وأعادي من يعاديهم في ذات الله، ولكن ألومهم على هذا الصنيع وأنصح لهم، وفيما بيني وبينهم قد أغلظ عليهم القول وأشدد عليهم وأشدد عليهم النكير، وأقول فيما بيني وبينهم، وتعرفون هذا ليس تشهيرا معاذ الله، لا أشهر بهم ولا أشدد النكير عليهم في الملأ، لأنهم سند لي فيما أنا عليه من منهج الحق، ولعلي بهذا التفصيل المسهب والذي قد يكون فيه استطراد أملته الضرورة علي، أقول دعت إليه الضرورة والحاجة، أجبت على سؤالك والله أعلم. Donc le cheikh il termine plutôt sa réponse en disant que oui, c'est possible que certains, par exemple, ils vont publier, par exemple, ou bien mentionner dans leur livre des petites citations ou des petits passages de ces kotob. Et ce sont des gens, c'est-à-dire ceux qui font ça, sont des gens de bien, des gens pieux, qui font des efforts et qui travaillent fort pour la sunna et pour propager la sunna, pour l'enseigner, pour inviter les gens à la suivre, pour la défendre et pour défendre les gens de la sunna. Mais ils voient qu'il y a dans les paroles parfois de ces kotob certaines citations qui peuvent représenter un moyen de frapper les kotbiyin dans certaines de ces paroles. Et ils pensent qu'il y a un bienfait pour les gens de la sunna dans ces paroles-là. Donc, ils disent ceux-là, je les considère comme mes frères. Et ils ont les mêmes droits, yani, c'est-à-dire ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que moi. Moi, j'ai des droits et des devoirs envers eux, et eux ont les droits et des devoirs envers moi. Et je les défends et je les aime en Allah, et je déteste en Allah, yani ceux qui les détestent et ceux qui s'opposent à eux. Donc je les aime pour Allah et je déteste ceux qui les détestent pour Allah. Mais je les blâme ceux-là de ce qu'ils font, de cette façon d'agir. Et je leur donne la nasiha de ne pas le faire quand je suis seul avec eux, quand je les rencontre. Et même que parfois je vais être très sévère avec eux dans ma façon de leur parler, et je vais être très dur avec eux dans ma condamnation de ce qu'ils font quand je suis seul avec eux en privé. Je fais pas ça dans le but de les exposer, que Allah me préserve. Non, je les expose pas, mais je les condamne quand je suis seul avec eux. Je les condamne pour qu'est-ce qu'ils font, mais pas devant tout le monde. Parce qu'ils sont une chaîne pour moi dans la transmission du manhaj de la vérité. Et il se peut que dans cette réponse détaillée, j'ai été un peu long, mais c'est la nécessité qui a voulu que je prolonge un peu la réponse et le besoin. Donc maintenant j'ai répondu à ta question. Wallahu a'lam. Donc on a répondu à une question, on a répondu à une question, c'est la question numéro 11. Et la question numéro 12, elle est à peu près la même longueur que la question numéro 11. Donc si on commence à la traduire maintenant, et bien ça va prendre à peu près la même durée que la question numéro 11. Donc la question numéro 12, on va la laisser pour pour le prochain cours, mais comment je pourrais dire, à part, comme étant donné qu'on approche bientôt du mois de septembre, donc les horaires des cours, parce que cet horaire qu'on avait maintenant, c'était un horaire spécial pour le mois d'août. Donc pour le mois de septembre, l'horaire va pas rester le même. Je vais essayer de garder peut-être pour le mois de septembre les cours tels quels, mais on va peut-être changer les heures seulement, hein, parce que le programme va devoir changer par rapport à différents programmes et d'autres activités que j'ai. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire les cours à une autre heure. C'est possible que ça va pas convenir à tout le monde, mais yani, au moins les cours seront faits et ceux qui veulent profiter, bon, s'ils peuvent pas écouter les cours en direct sur la radio de Sunnah Publication ou bien sur Paltalk, eh bien ils pourront au moins écouter les enregistrements des cours sur le site. Si c'est pas possible pour eux d'assister en direct. De toute façon, on espère que, Inch'Allah, on sera capable de continuer, au moins pour le mois de septembre, de continuer le même programme. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Hein, lundi, mardi, mercredi, on fait le manhaj. Jeudi, le fiqh. Vendredi, il n'y a pas de cours. Et samedi et dimanche, l'aqida. Hein? Le samedi, c'est Al-Wala Al-Bara. On a presque fini. Et le dimanche, Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra. L'explication de Cheikh Al-Fawzan. Donc, on va essayer de garder ça pour le mois de septembre, mais on va changer les heures. Et je vais annoncer les heures, le nouveau programme. Je vais l'annoncer, Inch'Allah, bientôt, hein, dans les jours qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.